servant d'alibi. Dans ses mains, cigarette et verre à la nuit. Elle veut lui parler, elle l'a écrit. Distant car il sent tourner le vent. Il écoute lui raconter sa vie. Les mots sont nets et précis. Elle dit, sans vouloir faire de mea culpa, si tu gardes le meilleur de moi, dis-moi, dans un an, qu'est-ce qu'il en restera? Tu sembles toujours si sûr de toi, désemparé, je perds la confiance en moi. Qui pourra me redonner la foi? La foi. Et encore aujourd'hui je pense, wow, que tu ne m'as pas laissé ma chance, wow. Et encore aujourd'hui j'y pense. Et encore aujourd'hui je pense, wow, que tu ne m'as pas laissé ma chance, wow. Et encore aujourd'hui j'y pense. Tant de mois, tant d'années, de non-dits. Résumé ce soir qui leur donne le tour dit. Lui qui n'avait jamais rien compris. Et tout faire pour tenter de plaire. Fatigué et tenant sur les nerfs. Elle repasse leur vie à l'envers. À l'envers. Sans vouloir faire de mea culpa. Si tu gardes le meilleur de moi, dis-moi, dans un an, qu'est-ce qu'il en restera? J'aurais voulu qu'on essaye une fois, pour être sûr que ça ne marcherait pas. Était-ce vraiment trop pour toi? Pour toi. Et encore aujourd'hui je pense, wow, que tu ne m'as pas laissé ma chance, wow. Et encore aujourd'hui j'y pense. Et encore aujourd'hui je pense, wow, que tu ne m'as pas laissé ma chance, wow. J'y pense.